bien au privilégien. Cueillir des champignons dans des prés divins, avec des harpies à très gros sein. Quero muito show. Vamos dar um abraço, então, Diana. Ah, ah, ah.